« Non, ma princesse, répondit-il, l'amant qui vous parle n'est point capable de vous trahir. » En achevant ces mots, il vola sur la fenêtre. Florine eut d'abord grande peur d'un oiseau si extraordinaire, qui parlait avec tant d'esprit que s'il avait été homme. Quoiqu'il conservât le petit son de voix d'un rossignol, mais la beauté de son plumage et ce qu'il dit la rassura. « M'est-il permis de vous revoir, ma princesse ? » s'écria-t-il. « Puis-je goûter un bonheur si parfait sans mourir de joie ? Mais hélas, que cette joie est troublée par votre captivité et l'état où la méchante Soucio m'a réduit pour 7 ans. « Et qui êtes-vous, charmant oiseau ? » dit la princesse en le caressant. « Vous avez dit mon nom, » ajouta le roi. « Et vous feignez de ne pas me connaître ?»« Quoi ? Le plus grand roi du monde ? Quoi ? Le roi charmant ? » dit la princesse. « Serait le petit oiseau que je tiens ?»« Hélas, belle Florine, il n'est que trop vrai, » reprit-il. « Et si quelque chose m'en peut consoler, c'est que j'ai préféré cette peine à celle de renoncer à la passion que j'ai pour vous. »« Pour moi ? » dit Florine. « Ah, ne cherchez point à me tromper. Je sais que vous avez épousé Truitonne. J'ai reconnu votre anneau à son doigt. Je l'ai vue toute brillante des diamants que vous lui avez donnés. Elle est venue m'insulter dans ma triste prison, chargée d'une riche couronne et d'un manteau royal qu'elle tenait de votre main, pendant que j'étais chargée de chaînes et de fer. » « Vous avez vu Truitonne en cet équipage, » interrompit le roi. « Sa mère et elle ont osé vous dire que ces joyaux venaient de moi ? Au ciel, est-il possible que j'entende des mensonges si affreux et que je ne puisse m'en venger aussitôt que je le souhaite ? Sachez qu'elles ont voulu me décevoir, qu'abusant de votre nom, elles m'ont engagé d'enlever cette laide Truitonne. Mais aussitôt que je connus mon erreur, je voulus l'abandonner, et je choisis enfin d'être oiseau bleu 7 ans de suite, tôt que de manquer à la fidélité que je vous ai vouée. » Florine avait un plaisir si sensible d'entendre parler son aimable amant qu'elle ne se souvenait plus des malheurs de sa prison. Que ne lui dit-elle pas pour le consoler de sa triste aventure et pour le persuader qu'elle ne ferait pas moins pour lui qu'il avait fait pour elle? Le jour paraissait, la plupart des officiers étaient déjà levés, que l'oiseau bleu et la princesse parlaient encore ensemble. Ils se séparèrent avec 1000 peines, après s'être promis que toutes les nuits ils s'entretiendraient ainsi. La joie de s'être trouvé était si extrême qu'il n'est point de terme capable de l'exprimer. Chacun de son côté remerciait l'amour et la fortune. Cependant, Florine s'inquiétait pour l'oiseau bleu. « Qui le garantira des chasseurs, disait-elle, ou de la serre aiguë de quelque aigle, ou de quelque vautour affamé? Qui le mangera avec autant d'appétit que si ce n'était pas un grand roi? Au ciel, que deviendrais-je si ses plumes légères et fines, poussées par le vent, venaient jusque dans ma prison m'annoncer le désastre que je crains? Cette pensée empêcha que la pauvre princesse fermât les yeux, car lorsque l'on aime, les illusions paraissent des vérités, et ce que l'on croirait impossible dans un autre temps semble aisé en celui-là. De sorte qu'elle passa le jour à pleurer, jusqu'à ce que l'heure fût venue de se mettre à sa fenêtre. Le charmant oiseau, caché dans le creux d'un arbre, avait été tout le jour occupé à penser à sa belle princesse. « Que je suis content, disait-il, de l'avoir retrouvée. Qu'elle est engageante, que je sens vivement les bontés qu'elle me témoigne. » Ce tendre amant comptait jusqu'au moindre moment de la pénitence qui l'empêchait de l'épouser. Et jamais l'on en a désiré la fin avec plus de passion. Comme il voulait faire à Florine toutes les galanteries dont il était capable, il vola jusqu'à la ville capitale de son royaume, il fut à son palais, il entra dans son cabinet par une vitre cassée, il prit des pendants d'oreilles de diamants, si parfaits et si beaux qu'il n'y en avait point au monde qui en approchasse. Il les apporta le soir à Florine et la pria de s'emparer. « J'y consentirai, lui dit-elle, si vous me voyez le jour, mais puisque je ne vous parle que la nuit, je ne les mettrai pas. » L'oiseau lui promit de prendre si bien son temps qu'il viendrait à la tour à l'heure qu'elle voudrait. Aussitôt, elle mit les pendants d'oreilles, et la nuit se passa à causer comme s'était passé l'autre. Le lendemain, l'oiseau bleu retourna dans son royaume, il fut à son palais, il entra dans son cabinet par la vitre rompue, et il apporta les plus riches bracelets que l'on eût encore vus. Ils étaient d'une seule émeraude, taillée en facettes, creusée par le milieu pour y passer la main et le bras. « Pensez-vous, lui dit la princesse, que mes sentiments pour vous aient besoin d'être cultivés par des présents, en que vous les connaîtriez mal ?»« Non, madame, répliqua-t-il, je ne crois pas que les bagatelles que je vous offre soient nécessaires pour me conserver votre tendresse, mais la mienne serait blessée si je ne négligeais aucune occasion de vous marquer mon attention. Et quand vous ne me voyez point, ces petits bijoux me rappellent à votre souvenir. » Florine lui dit là-dessus 1000 choses obligeantes, auxquelles il répondit par 1000 autres qui ne l'étaient pas moins.